Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et comme à l'habitude, j'animerai ce beau petit programme sur l'automobile, votre podcast hebdomadaire sur le monde de l'automobile. Et je ne fais pas seul, non. Ce soir, je suis accompagné d'un cowboy et j'ai nommé Marc Bouchard. Salut Marc! Howdy! Hey, t'as-tu ferré ton cheval ou... Non, j'en avais 139 à ferrer aujourd'hui. Ben, ça a dû prendre du temps, t'as dû avoir zéro temps pour essayer une auto. Si t'as passé ton temps à effairer, là, ça doit être interminable. Puis, ah, je peux même pas imaginer le nombre de purins qui sortent de tout ça à 139. T'as dû passer une belle journée, puis ça a dû sentir un peu bizarre. Ha, ha, ha, ha. Non. Super drôle. La raison pourquoi je dis ça, c'est que Marc est en direct du Texas, où tout le monde a le droit de porter un fusil, finalement. Et puis, Marc est en direct. Oui, et j'en ai rencontré quelques-uns, d'ailleurs. Oui, des gens avec des fusils, ouais. Ouais, j'imagine. C'est toujours un peu traumatisant. J'ai voulu m'arrêter pour faire une photo. Puis, on était en bordure d'un ranch et le monsieur est passé dans une espèce de petit VTT 4 places, là, avec ses deux gros chiens et ses deux fusils à l'arrière. Okay. J'ai pas pris de photo. Non, hein, c'est comme la gêne t'a pogné soudainement. Moi, ouais, j'ai comme décidé de passer tout droit puis d'aller voir ailleurs si j'étais là. C'est le fun. J'y étais. Ouais, c'est le fun, t'as décidé que ta vie valait plus qu'une photo. Fait que c'est bien correct. C'est ça, exactement. Super. Donc, Marc, on a plusieurs sujets ce soir. Moi, j'ai pas d'essai, donc la section essai va être tout de suite parce que tu vas nous parler de ton essai de la semaine. On va parler aussi de pourquoi t'es au Texas. C'est sûrement pas juste pour manger du steak et des choses comme ça. Et t'acheter une paire de bottes de cowboy neuves. Tu veux aussi nous parler de ton petit voyage que t'as fait avec Michelin où t'as été essayer des voitures où j'étais, bon, jaloux. Jaloux, c'est pas nouveau, mais là, j'étais comme jaloux plus. Et puis, on va revenir sur le salon de Détroit parce que ben, il y a eu le salon de Montréal. Après ça, on a passé à d'autres sujets puis on a complètement oublié Détroit. Fait qu'on va parler un petit peu de ton voyage au salon de Détroit. Puis on va finir, comme d'habitude, avec des nouvelles. Fait que je te laisse aller parce qu'on est tellement parti ses chapeaux de roue aujourd'hui, un petit peu pressé vu que t'es au Texas et il y a comme un petit décalage, que je ne sais même pas de quelle voiture tu vas nous parler. C'est quoi ton essai de la semaine? En fait, j'aurais le choix de te parler de plusieurs voitures. Ouais, parce que Big parce Shot. Que j'en ai essayé. Pardon? Big Shot, monsieur VIP. Parce que j'en essaye quelques-unes. Mais celle dont je veux te parler, c'est celle avec laquelle je me suis amusé à tourner l'émission « Ça roule » cette semaine. Émission là, que vous allez retrouver sur ma page, entre autres, marcbouchard.ca. Mais écoute, je me suis amusé comme un cave à conduire la BMW 750 LI. OK. Donc, normalement, le public cible de cette voiture-là, ne s'amuse pas comme un cave à conduire cette voiture-là. Ah, je pense qu'ils doivent s'amuser pareil. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Écoute, c'est pas tellement la conduite qui est amusante. C'est la techno qu'il y a dedans, vous allez faire le même? Ah, c'est incroyable. Écoute, c'est complètement fou. Okay. J'ai passé du temps et j'assoyais des gens derrière, puis les gens ne voulaient pas débarquer parce qu'ils s'amusaient avec les bébelles. Fait que rapidement, on va parler de la conduite elle-même. Gros moteur quand même. Là. C'est un moteur V8 4.4 litres turbo, 445 chevaux, 480 livres-pieds de couple. Ça déménage solidement, même si on s'entend pour dire qu'on parle pas d'une voiture qui est de petite dimension. C'est un gros bébé. 4600 livres, tu sais, c'est quand même intéressant. VUS. Ouais, quasiment. Ouais. Mais c'est vraiment spectaculaire. Écoute, le 0-100, 4,5 secondes. OK, ça va être assez impressionnant dans une bébête grosse comme ça, ouais, j'imagine. Écoute, je veux dire, pour un tracteur de ce grosseur-là, ça commence à être super intéressant. Ouais. Ce qui est le fun, en fait, avec la 750, il faut préciser aussi que c'est la LI. LI, pourquoi? Pour Long Wheelbase. C'est donc la version allongée. OK. Elle a à peu près 6 pouces de plus que la version standard, et c'est de l'espace que tu retrouves à l'intérieur beaucoup. OK. Ce que ça fait, évidemment, c'est que ça fait une voiture qui est un peu moins maniable, tu t'en doutes, parce que plus l'empattement est long, plus c'est compliqué à gérer au niveau des virages. Tu dois pas tourner sur un 10 cents, ouais, ça c'est sûr. Oh, ça prend un gros 10 cents. Je te dirais, moi, une gros 2 piastres. 10 cents américains. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on a besoin de... Tu sais, c'est une BMW, fait qu'il y a quand même les modes. Tu peux mettre en mode sport, tu peux mettre en mode confort. Et c'est vraiment très agréable, tu le ressens. Sauf que c'est une auto, tu sais, c'est une limousine. Hein? Ouais. Alors, c'est super smooth. C'est vraiment, vraiment, là, ultra silencieux. Quand tu es à l'extérieur, le ronron du moteur est super intéressant. quand tu es à l'intérieur, tu te demandes si tu as parti le moteur tellement c'est bien insonorisé. C'est pas un peu dommage pour un si beau moteur, par exemple? Ben oui, puis non. Mais honnêtement, je pense pas que tu achètes ce genre de voiture-là pour ça. Ouais. Puis, c'est pas une blague ce que je te raconte. Là, j'étais vraiment obligé de partir le moteur et de regarder les cadrans pour voir si les contours montaient pour savoir si le moteur était parti. OK, une chance qu'elle n'est pas hybride parce que tu aurais été dans le trouble. Tu l'aurais pas su. Oui, mais là, quand même, là, je suis pas si cave. J'aurais fini par m'en apercevoir. Mais alors, c'est vraiment super, super intéressant de ce point de vue-là. Mais ce qui est vraiment cool, c'est tout ce qu'il y a comme technologie. Et là, quand on parle de technologie, il faut dire que moi, j'avais la version exécutive avec ce qu'ils appellent le salon d'affaires en arrière. Alors, tu t'en doutes, c'est le gros siège, vraiment ultra confortable, bien sûr chauffé et ventilé en arrière aussi. Mm-hmm. Rien d'autre. Mais là, on espère. Là. Avec massage. OK. Mais pas un massage. T'as comme 5-6 fonctions massage. OK. Donc, tu peux choisir la portion du dos que tu vas te faire masser. Et t'as une bidule qui s'appelle le système BMW Vitalité, qui est là pour s'assurer que finalement, tu feras pas de plaid de lit quand tu vas être là. Alors, il va vraiment activer certaines régions de façon plus particulière. C'est un programme qui est conçu pour ça. Il est fait pour activer la circulation dans certaines zones de façon à s'assurer que tu n'es pas trop fatigué quand tu arrives. OK. Intéressant. Quand même. Là. Ça, c'est pour les passagers arrière. Hein? Ça, c'est pour le passager arrière, effectivement. OK. En avant, tu as juste les massages. Ben, tu as aussi l'activation, je pense. Mais tu sais, c'est... Mettons que j'essayais de pas me faire masser quand j'étais en avant parce que je conduisais et je me serais endormi. Oui, pourrait être un petit peu dangereux. Ouais. Effectivement. Mais pour le reste, c'est vraiment super le fun. Mais ça, imagine là, ce que je viens de te parler pendant une minute et demie, c'est strictement le siège et le massage. T'as plein d'autres affaires. T'as bien entendu des écrans. T'as deux écrans pour chaque passager à l'arrière que tu peux contrôler individuellement. Donc, tu peux écouter DVD, tu peux brancher des consoles, tu peux voir tout le système. Tu peux tout commander aussi à partir de l'arrière. C'est-à-dire que tu peux commander la radio, tu peux avoir le GPS, tout est là. Ouais. Okay. Alors ça, c'est vraiment... Ça, c'est super le fun. Mais pour contrôler ça, tu as au milieu une petite tablette. Et c'est une vraie tablette. C'est une Samsung que tu peux laisser là et t'en servir à plat ou que tu peux prendre dans tes mains, la connecter sur Internet parce qu'il y a une connectivité Internet permanente dans la voiture. Okay. Donc, c'est comme si... Fait que tu peux vraiment surfer sur ta tablette comme si tu avais ta tablette à la maison. Mais c'est aussi là-dessus qu'il y a les logiciels pour gérer tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'auto. Donc, tu peux là-dessus gérer la navigation, le système multimédia, tes massages et tout ça. C'est à partir de la tablette que ça se fait. OK, intéressant. Fait que ça, c'est déjà pas pire intéressant. Ajoute à ça d'autres petits gadgets, ma foi, fort intéressants, comme l'odeur. C'est-à-dire que tu as un système qui permet d'envoyer un parfum dans l'air de l'habitacle. Oui, Mercedes fait ça aussi. Hein. C'est pas Mercedes qui a parti ça, cette espèce de mode-là. Ouais. Effectivement. Mais la façon dont Mercedes le fait, c'est comme des petites bouteilles de parfum. Ouais. Dans le cas de BMW, c'est comme des petits sambons électroniques que tu glisses dans le coffre à gants. Mm-hmm. Tu as 8 odeurs différentes au choix. J'ai bien aimé celle de boisé, je sais plus quoi, là. Une espèce de nom poétique, là. Je me suis toujours dit que les gars qui trouvaient les noms de parfums puis les noms de peinture avaient trop de temps libre dans leur vie. Ouais, sûrement, ouais. C'est des noms un peu particuliers, mais c'est ça. Alors, donc, tu peux choisir le parfum. Ça, c'est toujours dans la section confort. Après ça, t'as évidemment tout ce qui s'appelle système autonome de conduite, de maintien de la voie, tout ça, là, les régulateurs de vitesse intelligents qui vont adapter leur distance et leur vitesse, qui vont te maintenir dans la bonne place. T'as des caméras tout le tour qui te permettent de voir, bien entendu, en version 360. Et ça, c'est très cool parce que quand tu joues avec les caméras, c'est comme si l'ordinateur reconstitue l'image à partir de tes images de caméra. Mm-hmm. Et ça se fait vraiment de façon absolument incroyable. C'est comme si tu étais à l'extérieur puis que tu tournais une caméra autour de l'auto. On a simulé la voiture et on tourne autour de l'auto. C'est absolument incroyable. Ça donne vraiment un effet 360, là, 3D littéralement. C'est spectaculaire. C'est-tu le même genre de vue que sur les produits Nissan, sur le dessus ou vraiment on est à côté de la voiture? Hein? Ah, t'es vraiment à côté. T'as vraiment l'impression là, que comme un drone qui tourne autour de ta voiture. Et c'est un peu traumatisant d'ailleurs parce que, bon, évidemment, c'est le dessin de la silhouette de l'auto. Mm-hmm. Puis, s'il y a une auto derrière toi ou devant toi, ben, tu la vois comme si elle est... Tu sais, c'est vraiment 3D, là. C'est vraiment absolument fascinant comme système. J'adorais ça. Mais la bébelle que j'aimais le plus, c'est la reconnaissance gestuelle. Ouais, j'avais vu, BMW avait sorti une pub à un moment donné d'un monsieur qui conduisait, j'imagine que c'est la série 7, là, puis qui tournait sa main, puis ça montait, puis ça descendait le volume. Puis à chaque fois que je voyais l'annonce, je dis ça doit tellement être gadget, puis ça doit tellement marcher une fois sur deux, mais j'imagine que non. Non, ça marche assez bien, à ma grande surprise, même avec des gants dans les mains. Parce que quand j'ai tourné, il faisait comme moins 23. Là. Écoute, c'est... T'as trois commandes possibles, OK? La première, tu l'as dit, tu tournes le doigt et ça monte ou ça descend le volume de la radio. Okay. Ça, c'est pas compliqué. Deuxièmement, quand le téléphone sonne, parce qu'il est connecté Bluetooth, si tu pointes du doigt, tu vas répondre. Si tu balayes de la main, tu vas refuser l'appel. OK. Il aurait pu faire d'autres choses pour refuser l'appel, mais je trouve que la main, c'est correct. Oui, mais c'est parce qu'on évite la confusion. Le troisième option, tu peux la programmer. Okay. Ça veut dire que quand tu pointes deux doigts en même temps, il y a une fonction, il y a un certain nombre de fonctions qui sont admissibles. Moi, j'avais choisi de changer les postes de radio, par exemple. Alors, quand je pointe deux doigts vers l'écran, on change le poste de radio, on tombe au suivant, à celui qui est programmé d'avance. OK. Ouais, c'est brillant. Écoute, ouais. Je me suis amusé comme un épais. Tout le monde qui est embarqué dans la voiture s'est amusé comme un épais à jouer avec ça. T'as l'air un peu cave quand t'es dans l'heure de pointe, t'es pris dans le trafic avec ça, à faire des sparages à ton radio, mais ça fonctionne relativement bien. Je dirais 8 fois sur 10. En général, ça correspond à peu près au pourcentage là, de réussite. J'ai adoré ça. Sauf que c'est réservé au conducteur, ben, en tout cas au passager avant. Celui d'en arrière est trop loin de l'écran pour le faire. Alors, c'est vraiment une machine techno incroyable. La technologie qui est à bord de ça, comme je te dis, je parle pas de la sécurité et tout, là. C'est une voiture incroyable, mais, roulement de tambour, combien valait la voiture? Je dirais vite comme ça, 128, mettons. 151 000 à part les taxes. OK. Mais peut-être le modèle de base, 128, j'imagine. Le modèle de base est à 117 500 de mémoire. Okay. Mais là, quand tu rajoutes le long wheelbase, quand tu rajoutes tous les gadgets, le salon auto et tout en arrière, on était rendu à 151 000 $ à part les taxes. Alors, Luc, ma fête est au mois d'avril. La mienne aussi. Amen. C'est drôle parce que c'est juste, ça n'a même pas rapport, là, mais nos fêtes sont une journée de différence, puis on le savait même pas jusqu'à temps qu'on en parle. C'est vraiment drôle. On était destinés pour travailler ensemble, qu'est-ce que tu veux? Eh mon Dieu, ouais. Tant que ça s'arrête au travail. En tout cas, ouais, on n'est juste pas destinés pour être payés pour travailler ensemble, on est destinés à travailler ensemble. Donc c'est beau Marc, merci pour cette belle essai qui va faire rêver bien des gens, moi inclus. Et on va faire une petite pause puis on va revenir avec on va jaser du pourquoi t'es au Texas en ce moment. Alors nous sommes de retour et Marc, t'es présentement au Texas. On va expliquer aux gens pourquoi t'es là. Ce n'est pas pour ramasser du crottin de cheval ni pour t'acheter des bottes de cowboy un peu trop serrées ou même un chapeau, mais t'es là pour essayer le tout nouveau véhicule de Kia, le Kia Niro. Oui. Et ça se passe comment? Les bottes de cowboy, je dois dire que j'ai déjà acheté quand je suis allé au Stampede de Calgary. Ah, OK. Ouais. Fait que j'ai pas besoin d'en racheter d'autres. J'ai aussi ma ceinture avec la grosse boucle avec les cowboys dessus. Je suis déjà pas mal équipé. OK, c'est bon. J'ai pas de tête à chapeau, fait qu'on va oublier chapeau de cowboy. Une tête à claque peut-être, tête à chapeau pas du tout. Alors, Marc, comment va ce petit Kia Niro? Écoute, honnêtement, j'avais très très hâte de conduire ce véhicule-là. Parce qu'il faut le préciser, on va rappeler aux gens pour qui le nom Niro ne rappelle rien, là, c'est un petit multisegment et on est vraiment dans l'ère de ça. On est à l'époque où les gens achètent des multisegments compacts ou sous-compacts, les CX-3 de Mazda, les HR-V, ce genre de trucs-là. Donc, on est vraiment dans cette mode-là actuellement. Et je pense que Kia arrive à point nommé avec son petit Niro, qui est fort intéressant parce que il est à la fois écologique et économique, parce que c'est une version hybride, mais il est aussi assez spacieux pour transporter un peu de matériel. Ouais. Puis il va être disponible dans plusieurs versions. C'est le petit frère spirituel de la Hyundai Ioniq qu'on va voir arriver sur le marché, mais qui va être lancé dans un timing différent. C'est que la Ioniq va arriver tout électrique en premier, tandis que le Niro va arriver hybride rechargeable, puis après ça, la Ioniq va arriver hybride rechargeable, puis hybride plus tard, puis le Niro va arriver tout électrique plus tard. Fait qu'ils ont comme inversé le timing là, pour les lancements. Je vais être franc avec toi, ça va même plus loin que ça. Je ne suis pas capable de te dire aujourd'hui à quel moment seront lancées les versions hybride branchable et 100% électrique du Niro. On a posé la question, on s'est fait dire, ouf, probablement d'ici la fin de l'année. Oh, OK. Mais on est aussi vague que ça. Donc, on n'est pas là encore, évidemment. OK. Pourtant, c'est vraiment une voiture que l'univers de la voiture électrique attend avec impatience. Ça va être le premier, bon, VUS ou multisegment entièrement électrique, à part bon, le Modèle X, mais personne ne peut se le payer. Tu vas pouvoir te payer 3 ou 4 Niro pour le prix d'un Modèle X, là, mais ça va être une nouveauté sur le marché. Fait que les gens l'attendent un peu. Le seul dommage, c'est qu'il n'y a pas de 4 roues motrices pour ce véhicule-là. Non, effectivement. Il n'y a pas de 4 roues motrices. Par contre, objectivement, je dois te dire que c'est un petit véhicule qui s'est avéré extrêmement intéressant. Intéressant à plusieurs points de vue. Intéressant du point de vue du style, d'abord. Moi, j'aime beaucoup le style qu'il a. On le sait, c'est une compagnie qui a gagné d'abondantes compétitions de design un peu partout à travers le monde. On comprend pourquoi. Ils ont vraiment un véhicule qui est le fun. Ils ont des blocs optiques qui sont cool. Ils ont l'espèce de ce qu'ils appellent la grille en nid de tigre, là. Je n'ai jamais vu le tigre là-dedans, mais... Non, moi non plus. On sait ce que ça veut dire. Ouais. Alors, le fameux Tiger Nose, c'est là, on le reprend. Sur le côté, on a voulu lui donner un petit côté, un petit look un peu utilitaire sport. On a donc mis des recouvrements de plastique par-dessus les arches de roue, qui donnent une présence un peu plus affirmée au véhicule. Il y a une épaule, là, une espèce de ligne d'épaule qui est assez surélevée aussi. Et en arrière, ben c'est quelque chose... Alors, on arrive vraiment avec un beau petit véhicule qui est vraiment cute. Ouais. Est-ce qu'il se distingue de la masse? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va faire « Oh, wow, c'est le nouveau Kia Niro! » Mais il est cute, il est beau et ça passe bien. Mais c'est sûr, j'avais dit aux gens de Kia, quand on a vu pour la première fois le Kia Niro, je pense que c'est à Toronto, justement, l'année passée, puis j'étais avec la personne de Kia, puis je me disais, sais-tu... Je regarde le Niro, puis je regarde le nouveau Sportage, là. Puis le Niro est pas mal plus beau. Le Niro est ce que le Sportage aurait dû être. Tu sais, un véhicule... Ouais, effectivement. Le Sportage a une allure un peu bizarre de l'avant. Il y a quelque chose qui, encore aujourd'hui, me revient pas. Même si c'est un excellent véhicule, le Niro a pas ce problème-là. En fait, moi, ce qui me dérange du Sportage, c'est beaucoup les blocs optiques et les feux, les lumières à brume en bas, là, qu'on a mis avec quatre petits... projecteur, je trouve que ça a l'air des yeux de mouche. Ouais. Je trouve ça d'une laideur absolue. Mais pour le reste, ça va. Tu sais, compare, t'as raison de faire la comparaison entre le Niro et le Sportage, mais on va rappeler aussi aux gens que le Niro est beaucoup plus petit que le Sportage. Oh, oui. Tu sais, si on y va en termes de comparaison de dimension, par exemple, là, il est 64 mm moins long. Et il est 245 mm plus bas que le Sportage. OK. C'est quand même pas mal, là. Bon, oui, oui. Il est un petit peu plus large. Il a 15 mm de plus large. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un véhicule qui a été conçu pour être pratique. Donc, à l'arrière, on a vraiment gardé à peu près le même niveau d'ouverture qu'on retrouve dans le Sportage. Évidemment, la contenance est moindre, mais... on parle à peu près, là, je dirais les trois quarts en termes de capacité, si tu compares la contenance du Sportage face au Niro, là. Exemple, comparativement à un Soul, qui est comme... Il est un peu plus grand que le Soul. OK, donc un entre-deux entre le Soul puis le Sportage. Exactement. OK, c'est bon. L'aménagement est aussi bien fait. C'est 60-40 pour les barrières rabattables avec un cache-bagage. Et quand tu prends les versions plus haut de gamme, tu peux soulever le plancher et sous le plancher, tu as un petit coffret qui te permet aussi de dissimuler des affaires. Alors, c'est quand même intéressant. Tu vois, total, là, on parle d'à peu près avec les choses rabattues, c'est 1789 litres de chargement. C'est beaucoup. Ils nous ont donné l'exemple avec deux énormes sacs de golf qui rentrent sans difficulté, là. Et vraiment des sacs de golf tellement gros que je ne saurais pas quoi faire avec tous les bâtons qu'il y a là-dedans. OK. Alors, évidemment, ça c'est la partie intéressante. Autre partie intéressante, c'est l'aménagement intérieur. On a conservé l'aménagement qui est propre à Kia, donc avec un écran de 7 pouces ou de 8 pouces selon qu'on a le système de navigation ou pas. On a aussi des boutons qui sont assez gros pour permettre un usage vraiment intéressant, même avec des gants, par exemple. OK. Parce qu'on mise beaucoup sur le marché du Québec. Et le marché du Québec, on le sait, est un marché hivernal. Alors, on arrive de série avec des sièges chauffants. Il y a, à partir du deuxième niveau, du deuxième grade, là, le volant chauffant aussi qui est de série. Et on arrive avec des gros boutons, donc qui sont faciles à manipuler, peu importe ce qui se passe. Oui, parce que sur le marché ici, là, les compagnies qui s'en vont vers des écrans totalement tactiles avec aucun bouton, là, c'est comme moi personnellement, c'est un point négatif pour la voiture parce que oui, il y a la moitié de l'année, presque un peu moins que la moitié, le tiers de l'année où on se promène avec des gaffes, des trucs. Faut pouvoir utiliser la technologie en n'ayant pas froid et en gelant pas les doigts. Là. Exactement. Oui. Pour le reste, on en a fait aussi un véhicule qui est très, très sécuritaire avec, bon, en option, là, tous les systèmes là, de maintien dans la voie, des régulateurs de vitesse automatique. C'est tout ce qu'on retrouve maintenant dans ces voitures-là. Ouais. On le retrouve dans le Kia Niro. Évidemment, ce qui nous intéressait, oui, c'est ça. Autre avantage, le silence de roulement. OK. Écoute, j'étais dans cette auto-là et je croyais fermement qu'on était dans une voiture beaucoup plus luxueuse et beaucoup plus vaste que ça. Honnêtement, j'ai été très, très, très surpris de cette qualité-là. Dans toutes les versions ou juste la plus élevée ou c'est pas mal standard? Ah ben, j'ai fait un petit tour dans la version moins bonne, mais c'était aussi pareil. C'est sûr que les versions plus élevées, la SX, là, arrive avec une sellerie de cuir et tout ça. Le reste n'a pas de sellerie de cuir, c'est des sièges en tissu ou mi-cuir, mi-tissu. Mais au niveau de l'insonorisation, on était pas mal au même niveau. Franchement, j'étais agréablement surpris. Puis c'est une insonorisation de matériel ou c'est qu'on utilise de la cancellation de bruit ambiant par la radio, des choses comme ça? C'est un peu matériel, surtout matériel. En fait, c'est qu'on utilise beaucoup, beaucoup d'acier haute rigidité dans le châssis. Donc, ça permet au départ d'éliminer beaucoup, beaucoup de vibrations. Okay. Et par la suite, on mise beaucoup sur la qualité de construction. Fait que c'est comme c'est très cool là, comme façon de faire, comme façon de procéder. C'est extrêmement bien réussi. En parlant de ça, de système électronique, on a un haut-parleur à l'extérieur qui projette le son un peu plus fort du moteur aussi pour que les piétons sachent qu'on s'en vient. Ah, OK. Fait que quand on est en mode hybride, j'imagine que... Oui, exactement. Exactement. Okay, donc, ouais, ça permet à ce moment-là d'éviter les problèmes. Donc, ça existe. Okay. Mais évidemment, tu l'as mentionné, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est tout le côté hybride, le côté motorisation. Mm-hmm. On part sur la base d'un moteur 4 cylindres turbo, 1,6 litres, un moteur qu'on connaît déjà, qui fait... Non, pas vraiment. C'est un moteur qu'on connaît parce qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est le moteur, c'est un moteur Kappa qui a été conçu spécifiquement pour des versions hybrides. Okay. Donc, pour la Ioniq aussi. C'est un moteur de 104 chevaux, de 108 livres pieds de couple. C'est un petit moteur à cycle Atkinson, injection directe. Là, vraiment la totale, là, ce qu'on connaît habituellement de ces moteurs-là. On l'a jumelé cependant à une motorisation hybride. Donc, motorisation électrique, sortie de 43 chevaux. Puissance 42 kW, c'est vraiment un petit moteur traditionnel là aussi pour une motorisation hybride. Ce qui fait qu'en version combinée, on se retrouve avec une puissance de 139 chevaux à 5700 tours, mais un couple, et c'est là la particularité, de 195 livres-pieds à partir de 1000 tours minute. Ouais, grâce au moteur électrique. C'est ça. Mais 1000 tours minute, là, c'est littéralement quand t'es arrêté, là. Ouais, c'est ce qu'on appelle idle, là. C'est t'es stationné. Ouais. Exactement. Alors, t'as le couple, donc, qui est admissible dès le départ. Ce que ça fait, c'est que ça crée un moteur qui est un peu plus nerveux, un peu plus puissant en sensation quand on décolle. Et on peut même le mettre en mode sport. Pour le mettre en mode sport, il faut juste tasser le levier de transmission, là. Il y a pas de miracle là-dedans. Mais on sent vraiment une différence. On sent vraiment que le moteur est plus capable de nous propulser. Évidemment, on l'utilise pas toujours en mode sport. On s'en sert quand on en a besoin. Moi, je m'en suis servi pour doubler quelques voitures à quelques occasions. Mais là, c'est arrêté. Sauf que, ceci étant dit, aujourd'hui, moi, je suis allé sur les routes du Texas. OK, c'est plate. Il y a pas beaucoup de côtes. Il y en a quelques-unes. Bon, on s'est promené en ville. On s'est promené en campagne. On a fait de l'autoroute. On a fait des routes sinueuses. Et on a fait au total, je te dirais, à peu près 180 km avec la voiture. Un petit peu plus. OK. Ouais. Près de 200 km. Mm-hmm. J'ai regardé la consommation de carburant. On nous annonçait dans la version SX, qui est la plus élevée, une moyenne combinée de 5,4 litres au 100. OK. J'ai fait 5,5. Ce qui est proche. ce qui est vraiment exceptionnel, c'est honnêtement, et je n'ai fait aucun effort d'économie de carburant. Au contraire. Si on le sait, normalement, tu n'es pas du genre à. Non, mais en fait, quand j'ai un véhicule hybride, j'essaie de le tester puis de voir jusqu'où je peux me rendre. Là, j'ai vraiment fait aucun effort. Ouais. J'ai accéléré rapidement, j'ai freiné rapidement. Je me suis jamais même posé la question et j'ai fait 5,5 litres au 100. C'est excellent. C'est excellent, c'est exceptionnel. Ouais. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui va faire un peu attention va descendre largement en dessous du résultat que j'ai obtenu. Ouais. Honnêtement, j'ai trouvé ça très, très, très surprenant. Puis c'est un véhicule qui va être merveilleux dans le trafic parce qu'à cause du hybride, il va se recharger. Vous allez faire probablement plus bas que ça. Oui, exactement. Ouais. Et tu vois, dans les versions moins équipées, là, on parle des moyennes de 4,7 à peu près. Ouais. Et honnêtement, j'ai pas de misère à croire que ça va arriver. Ouais. Tout cela pour la modique somme de 24 999 $. Canadien? Dans la version de base. Ça commence à être intéressant pour une voiture hybride de ce gabarit et de pratique comme ça. Effectivement. Ouais. Évidemment, on n'a pas le prix pour les versions plus équipées. Ça viendra quand le véhicule va arriver fin mars, début avril. Mais pour le moment, je peux te dire que, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié mon séjour au Texas au volant du Niro. Il m'a impressionné vraiment au niveau de l'économie de carburant. Ça demeure un petit véhicule, comme je te dis, très silencieux. Mais honnêtement, là, il répond très, très bien à la commande. Je suis favorablement impressionné. Non, j'ai hâte de voir ça. Faudrait que je parle aux gens de Kia pour me mettre sur la liste d'attente, mais qu'elle tombe sur la flotte de presse. Ça m'intéresse. Super. Écoute, t'auras pas de misère, je pense, parce qu'ils vont vraiment pousser très fort sur ce véhicule. Oui, j'imagine. Surtout au Québec, là, ça pourrait être un excellent vendeur pour Kia. Le Soul au Québec est un gros vendeur. Fait qu'imagine, tu sais, un petit peu plus gros qu'un Soul, hybride, peut-être hybride rechargeable dans un avenir approché ou même tout électrique avec une autonomie estimée là, que les gens lancent un peu à gauche et à droite de 200 km, ça pourrait être vraiment un point tournant pour Kia au Québec, qui est déjà populaire ici, là, mais ça pourrait être vraiment quelque chose de bon pour eux autres. Donc, merveilleux. Donc, merci pour ça. Nous, on va faire une autre petite pause, puis ensuite, on va revenir, on va avoir quelques autres sujets, dont tu vas nous parler aussi de ton petite escapade avec Michelin. Alors, nous sommes de retour, et Marc, on va avoir deux sujets dans ce bloc. Tu vas nous parler, on va parler un peu du salon de Détroit, ce qui a été présenté, mais tu vas aussi nous parler de quelque chose d'assez intéressant que tu es allé faire, c'était en Californie, je pense, avec Michelin. Effectivement, c'était la semaine dernière, c'était à Palm Springs, en Californie, aux limites du désert californien, là, en route vers le Nevada. Mm-hmm. L'idée, en fait, c'est que je suis allé là avec Michelin qui nous a fait vivre ce qu'ils ont appelé l'expérience pilote. Ce que c'est que ils ont créé un nouveau pneu qui s'appelle le Michelin Sport 4S, qui remplace le Super Sport qu'on connaissait là. Qui vient sur les Corvettes, des choses comme ça, les pneus de performance. C'est ça. Ouais, okay. Exactement. Et il va être, entre autres, disponible, parce que je suis convaincu que tu vas t'en acheter une, sur la Ferrari GT4 Lusso là, qui arrive. Ouais, c'est ça, je suis en train de regarder. Là. Je regardais mon petit cochon d'un œil un peu décidé de le péter. Puis finalement, je l'ai brassé, puis ça sonnait pas bien ben plein. Fait que je me suis dit que je vais attendre peut-être une autre année. C'est ça. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est le Michelin Pilote Sport 4 qui donc est la nouvelle génération de ce pneu qui est considéré déjà comme étant un des meilleurs de sa catégorie. Ouais, parce que c'est drôle, puis tu vas probablement nous en parler un peu dans cette section-là, mais des pneus, c'est sous-évalué par à peu près tout le monde. Hein. C'est le seul morceau qui retient. Tu sais, t'as une patch là, sur chaque mur d'à peu près un pouce carré qui touche au sol. C'est ça qui maintient ta voiture sur la route. Ça, mais tu sais, c'est pas large, là, tu sais. On dit que c'est grand comme quatre cartes de crédit qu'on a ensemble. Et ça, puis tu sais, on sous-estime le pneu. Le monde va acheter des pneus pas chers parce que ça coûte cher, des bons pneus. Mais c'est ta vie que tu joues, là. Oui, puis écoute, puis je peux te dire, écoute, j'ai vécu l'expérience et c'était vraiment très cool parce que on nous a justement donné l'occasion de faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de tester les pneus vraiment à leurs limites, ou à mes limites, devrais-je dire, parce que j'ai atteint mes limites avant d'atteindre celle des pneus, ouais. Je vais être honnête. Oui, ça arrive souvent. Et l'autre élément, c'est vraiment de les comparer avec d'autres pneus de performance. Alors, comme tu dis, ce sont des pneus de super performance. Ouais. C'est les pneus haut de gamme de Michelin qui équipent les voitures les plus puissantes au monde. Ouais. Tu mets pas ça sur ta Nissan Micra, mettons. Ça serait un peu du gaspillage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour les voitures Ferrari, Porsche, Corvette, GTR, choses comme ça. Là. C'est ça. Et nous, d'ailleurs, la première activité de la journée, quand on est arrivé avec ça, c'était de tester les pneus au volant de BMW M3 et M4 sur le circuit. On était deux voitures, on suivait un leader devant nous et on tournait autour du circuit. Et à chaque tour, on augmentait la vitesse. Et honnêtement, ça a été assez spectaculaire. Il y a des virages là-dedans que à la fin, je n'aurais pas cru être capable d'aller prendre à cette vitesse-là. Mais on sentait là, que les pneus étaient rigides, étaient bien en place, étaient bien collés sur le sol. Et souvent, le problème, et c'est pour ça qu'on fait des pneus, ce qu'on appelle à profil bas, là, c'est que souvent, le problème des pneus sport, c'est que les parois latérales sont trop molles, ce qui fait que tu sens qu'il y a comme un décalage entre ce qui touche puis l'auto qui s'en va sur le côté. Là. C'est comme si l'auto valsait sur le caoutchouc. C'est pas du tout le cas. On a vraiment amélioré la rigidité latérale du pneu Michelin. C'est assez spectaculaire. Ça collait vraiment. Écoute, on a pris des virages, là, on était en 1000 à l'heure, là, à 110, 115 000 à l'heure. C'était des virages assez solides et vraiment, il n'y avait pas trop de problèmes. Ça, c'est le premier élément. Évidemment, tu vas me dire, oh, c'est facile, on est seul sur la piste avec ça, on roule, bon. Le deuxième élément qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé sur un circuit, un autocross. Donc, on avait fait un circuit avec des cônes et on a tout simplement fait passer un camion citerne qui a projeté de l'eau à la grandeur du circuit, pas à la grandeur, une partie du circuit. Et là, ben, il fallait faire le tour avec la voiture. Dans ce cas-là, c'est une BMW 340. Donc, on a vraiment roulé sur le circuit, on a testé les limites du pneu encore une fois, mais là, c'était des virages brusques, vitesse beaucoup moins élevée, mais virages brusques, virages mouillés. Évidemment, on sent qu'il y a une petite légère perte d'adhérence, mais encore une fois, le Michelin s'en est bien sorti. Mon seul bémol provient de la distance de freinage. On m'avait promis des miracles, et honnêtement, je ne sais pas si c'est le chauffeur ou si c'est vraiment le pneu, parce que j'étais le premier à le faire, et les pneus étaient tout neufs et tout froids. Mais la distance de freinage n'était pas à la hauteur de ce qu'on m'avait annoncé. OK. Par contre, pour le même exercice, on m'a aussi mis dans une voiture, une BMW 340, chaussée sur des Pirelli. OK. Des Pirelli de performance aussi. Et honnêtement, là, j'ai vraiment senti la différence. Oui, les Pirelli au freinage se sont bien débrouillés. Sur l'eau, c'était pas drôle avec les Pirelli. Ça a coûté cher de cône parce que je suis vraiment parti en dérapage à plusieurs reprises. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir poussé plus fort avec les Pirelli. Je l'avais fait avec les Michelin. Okay. Donc, ça donne une meilleure adhérence. Ça donne une idée que l'adhérence était meilleure sur chaussée mouillée avec les Michelin qu'avec les Pirelli. Après ça, on est rentré dedans et là, on a eu droit à l'explication technique, comment on avait modifié le tissage à l'intérieur pour faire la semelle, cette semelle-là tissée permet de garder une meilleure rigidité à la semelle, blablabla. Tu sais, on nous a expliqué tout ça. Et on nous a expliqué aussi, bon, bien sûr qu'on avait changé quelques composantes à l'intérieur des caoutchoucs de façon à les rendre plus résistants, ayant une longévité prolongée face à la concurrence, mais aussi résistant mieux à la chaleur en général, donc offrant une meilleure dispersion de la chaleur. OK. Parce que souvent, le problème avec ces pneus-là, c'est qu'ils se désagrègent très rapidement. Donc, on a travaillé là-dessus pour qu'ils durent plus longtemps, parce que c'est des pneus qui coûtent une fortune, puis qui durent normalement pas tellement longtemps si on les utilise un peu sportivement. Effectivement. Mais tu vois, moi, on nous a dit que les pneus devraient théoriquement durer à peu près 40 000 km. OK. Ce qui est 2000 de plus que les plus proches rivaux, mais ce qui est le double que les Continental, par exemple, toujours selon les gens de Michelin, évidemment, tu comprendras que je n'ai pas vérifié moi-même. Bon, oui, c'est ça. Okay. Sauf que ce que j'ai appris, entre autres, et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une équipe de design esthétique pour les pneus. OK. Est-ce que le pneu est beau? Est-ce qu'il est joli? Est-ce qu'il est tendance? Ben, effectivement. Okay. Et c'est vraiment pour ça. Et on est allé jusqu'à faire breveter des éléments sur l'esthétique du pneu. OK. Alors, par exemple, si tu regardes le pneu Michelin, si tu regardes la semelle, la dernière rainure à l'extérieur, elle est faite en forme d'éclair. OK. Et ça, c'est un trademark, c'est un brevet Michelin. OK. Ouais. Alors, c'est comme ça sur tous leurs pneus de performance. Donc, c'est un peu particulier, mais j'ai trouvé ça très drôle. J'imagine qu'on peut jouer avec cette rainure-là parce qu'elle doit pas servir souvent. Elle est comme à l'extrémité complète, normalement, c'est comme... Ouais, mais la designer expliquait qu'elle, elle recevait une espèce de devis technique qui disait, écoute, t'as droit à tant de millimètres puis à tant de millimètres, pas plus. Okay. Il fallait qu'elle fasse son design là-dedans. Okay. Alors, c'est assez particulier. OK, ouais. Et dans l'après-midi, et c'est là que je t'ai fait baver le plus, là, on est allé sur la route et là, on essayait avec trois voitures différentes. On avait la Audi R8, on avait la Mercedes Classe C 63 AMG S et on avait la Ferrari California T. Et on changeait de voiture à peu près aux 50 km. L'avantage, c'est qu'on roulait sur des routes de canyon, mais que devant nous, il y avait un policier et derrière nous, il y avait un policier. OK. Donc, on était vraiment en convoi, mais sur une route fermée pour l'occasion. OK. Et je peux te dire qu'on a atteint des vitesses qui étaient, ma foi, pas tout à fait assez décentes. Les policiers ont dû avoir du plaisir aussi, parce que de base, normalement, les policiers aiment les voitures puis tout ça. Puis ouais, rouler vite, quand c'est bien fait, ils ont dû avoir du plaisir eux aussi. Ben, surtout en Californie, là, on était vraiment dans une route de canyon avec des rochers partout. Écoute, sérieux, là, on a atteint 210-220 km/h. Ça passait au toast. Mais encore une fois, jamais on n'a ressenti la moindre pression du pneu. Okay. Bref, ça a été une réussite totale. Ça m'a vraiment impressionné. Et pour couronner le tout, on a fini la soirée avec un souper servi par nul autre que Mme Claire Smith. Mme Claire Smith, pour ton information, c'est la seule femme qui a 3 étoiles Michelin en Angleterre. Okay. Et elle est l'assistante de Gordon Ramsay. Ah, OK, celui qui pète sa coche tout le temps. Okay. Ouais, mais ça a l'air qu'il n'est pas de même dans la vraie vie. Là. Non, c'est un show. Là. Alors, mais c'est ça. Alors, donc, c'est elle qui nous a fait nos repas. Donc, c'était une expérience assez incroyable, mais pour un pneu qui vraiment m'a étonné par sa qualité. Déjà, le Michelin Super Sport était en avance sur les autres, mais là, il a vraiment une coche supplémentaire. On a vraiment amélioré sa qualité. Maintenant, je vais être obligé d'aller essayer les autres pneus de performance pour pouvoir comparer. C'est plate. Hein? Ben, c'est plate. Il faudrait que tu ailles peut-être en Italie pour Pirelli ou quelque chose comme ça. T'sais. C'est ça. On verra. Là. Mais tu sais, c'est un travail difficile, mais il faut que quelqu'un se sacrifie pour le faire. Exactement, comme tu dis. Super. À part de ça, on n'avait pas parlé avant quand c'était le temps parce qu'on est tombé sur le salon de Montréal. Qu'est-ce qui t'a attiré à Détroit cette année, toi qui étais sur place? Écoute, clairement, la Kia Stinger. Qu'on va voir à Toronto. Qu'on va voir à Toronto, qui est une sportive avec un moteur biturbo, 365 chevaux, qui a un look d'enfer. Honnêtement, c'est une des belles voitures que l'on a vues à ce moment-là au Salon de Détroit. C'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment celle qui a volé le show. L'autre, bien évidemment, on en a légèrement parlé parce qu'on l'a vu à Montréal, mais c'est quand même un autre élément qui a attiré l'attention, c'est le Nissan Qashqai. Oui. Le fameux qui s'appelle Rogue Sport aux États-Unis. Il s'appelle Rogue Sport aux États-Unis, mais c'est le seul endroit au monde. Hein. Partout ailleurs, il s'appelle Qashqai. Ouais. Et Nissan en a profité pour présenter le V-Motion 2.0 concept, qui est un espèce de nouveau design là, qui devrait s'appliquer au cours des prochaines années chez Nissan et que tu verras aussi à Toronto, mon cher Luc. Oui, chose aussi qu'on va voir à Toronto, que les Américains n'ont pas eu. Parce que ça aussi, c'est drôle parce que c'est comme c'était le salon de Détroit, puis comme une journée ou deux après le salon pour les journalistes, ben là, Ford a décidé qu'il dévoilait la Mustang 2018 comme si quelqu'un s'était réveillé un matin et dit « Hey, c'est vrai, on avait ça aussi! » Oui, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que de plus en plus, on constate que quand tu vas dans les salons de l'auto, t'as pas de couverture comme manufacturier ben, parce ça, que t'es perdu il y a tellement masse, trop d'affaires. Là, c'est ça. Ouais. Alors, ce qu'ils font de plus en plus maintenant, c'est qu'ils font des événements en dehors du salon. Tu sais, le Qashqai, là, nous, il nous a été dévoilé le dimanche après-midi alors que le salon n'ouvrait que le lundi. Bon, ouais. Ça a été la même chose pour plein d'autres. Alors, évidemment, c'est même chose pour l'autre voiture qui a attiré l'attention, mais vraiment de façon spectaculaire, c'est la nouvelle Toyota Camry. Oui. Qui a vraiment de la gueule et qui est vraiment super belle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, à Détroit, a été assez une star. Ouais. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Lexus LS, la grande Lexus qui est vraiment rendue absolument magnifique. Le Audi Q8 Concept, qui est le gros utilitaire sport, mais vraiment gros utilitaire sport. Chez GM, on a présenté le Traverse et le Terrain 2018. À Montréal, on a présenté l'Equinox, mais là-bas, on avait d'autres versions. L'Infiniti Concept, le QX50, qui est absolument magnifique. La Honda Odyssey 2018, qui a probablement été ma déception du salon parce que je m'attendais à beaucoup, beaucoup de changements. Et finalement, ben, il n'a pas eu tant que ça. Alors, j'étais un peu déçu. Mais la nouvelle qui a probablement pris tout le monde par surprise, c'est l'annonce par Ford de la venue du Ranger et du Bronco. Ouais. On en a parlé, mais c'est probablement ça qui a fait couler le plus d'encre au Salon de Détroit. C'est vraiment qu'on a confié, on n'a rien vu là. Rassurez-vous, on n'est pas dans les secrets des dieux, on n'a rien vu. Mais oui, c'est ce qui était quand même intéressant. Et finalement, en terminant, on ne peut passer sous silence l'existence du Volkswagen ID Buzz concept. La 88 millième déclinaison des Westphalia et des Sportswagen et des Eurowagen, appelle ça comme tu voudras. Ça fait des années qu'à chaque année, Volkswagen nous présente un concept basé là-dessus, mais ils n'ont jamais repris la production. Je pense pas que ça va recommencer cette année. C'est encore un véhicule électrique, semi-autonome. Bref, on est loin de la réalité. Là. Ouais, ça fait parler les gens, puis ça met Volkswagen. Ça montre le nouveau Volkswagen qui veut se distancer un peu des problèmes de diesel et tout ça, qui veut s'en aller plus vers l'électrique. Et qui est numéro un mondial au niveau de la production. Oui, qui a dépassé Toyota dans les dernières semaines, c'est ça. Mais juste pour montrer que même si tu as un scandale, ça veut pas dire que tu vas arrêter de vendre des voitures. Volkswagen fait toujours très bien. Mais tu sais, conduire une Volkswagen, c'est une expérience un peu différente que conduire à peu près n'importe quoi d'autre. Fait que tu peux comprendre que les gens, tu sais, conduire une Golf GTI ou même une Golf ordinaire, c'est une expérience différente que de conduire beaucoup d'autres voitures. Fait qu'il y a cette espèce d'attrait de la voiture allemande là. Mais la raison pourquoi je parlais de la Mustang, Marc, c'est qu'on va l'avoir à Toronto, la Mustang 2018. Elle va être présente. Fait que c'est juste drôle que elle était pas à Détroit, mais ça va être son premier salon. Ça va être le salon de Toronto. Fait que le premier salon où la Mustang 2018 va faire son apparition va être au Canada, à Toronto. Donc, j'ai hâte de la voir, même si je suis pas sûr. Moi, je suis vraiment pas sûr, mais ouais. Bon. On va la voir en personne, puis je me ferai peut-être une nouvelle idée. Donc, Marc, on va faire une dernière petite pause, puis on va revenir avec notre bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour, et Marc, ça va être l'heure du bloc nouvelle. Que se passe-t-il dans le merveilleux monde de Walt Disney? Pas de Walt Disney, mais de la voiture cette semaine. Tu te rappelles pas de ça quand tu étais plus jeune, le merveilleux monde de Walt Disney? De Disney, oui, je me rappelle de ça, avec le monorail qui traversait. Puis, c'était tellement merveilleux. Oui, sauf que j'avoue que j'étais un peu troublé par ton commentaire. Je savais pas trop quoi répondre, alors je te laissais aller, puis j'attendais de voir où tu t'en allais avec ça. J'ai essayé de faire une blague, mais comme une mouche sur l'autoroute, ça a fini plouche dans le pare-brise. Donc, donc si on parle de quelque chose de plus intéressant, à part le fait que j'ai de la misère avec mes farces, qu'est-ce que tu as pour nous comme nouvelle cette semaine? Ben en fait, c'est pas des grandes nouvelles parce que on est vraiment dans un mode particulier. On va faire sourire tout le monde en leur affirmant que Mitsubishi va enfin présenter son nouvel utilitaire sport au Salon de l'Auto de Genève en mars prochain. Ouais. Je peux-tu te dire que je vais le croire quand je vais le voir? Écoute, on est à peu près tous rendus là. C'est pour ça que je disais qu'on ferait sourire tout le monde parce que c'est effectivement une nouvelle. T'sais, j'ai l'impression que ça, puis les reines du Père Noël, c'est pareil. Là. Non, les licornes et tout ça. Bref, il fallait quand même que je le souligne. Ce qui est intéressant, par contre, à Genève, c'est qu'il y aura aussi la nouvelle génération du Subaru Crosstrek. On le sait, à Montréal, on avait le concept qui était basé là-dessus. Donc, on aura, en théorie, la version de production définitive à Genève. On verra ce que ça va donner. Ce qui devrait pas être tellement loin du concept qu'on avait à Montréal, parce que c'était pas aussi excentrique, je peux dire, que le concept de l'Impreza qu'on avait eu droit l'année passée. Là. C'était plus, t'sais, on reconnaissait facilement les lignes, puis on voyait que c'était un Crosstrek et tout ça. Il y avait pas, c'était pas vraiment un design totalement pété là, de, t'sais, qu'on se disait ouais, ça viendra pas comme ça sur le marché. Il y a des bonnes chances que ça ait la même allure. Pas mal proche, peut-être des petits changements là, dans rétroviseurs, des choses comme ça, là, mais ça doit... C'est ça, ouais. Ouais. Comme les blocs optiques qui, généralement, ne sont jamais dans la réalité ce qu'ils sont dans le concept, mais en tout cas, ça devrait être pas si mal quand même. C'est bon. Dans la série des nouvelles, des grandes nouvelles de ce monde, en fait, semaine, ben, c'est Super Bowl. Oui. Alors, on va manger des ailes de poulet, manger des cochonneries et boire de la bière. Comme tout bon sportif de salon qui se respecte. Ouais. Mais si tu veux savoir si tu es en état d'ébriété, il faut que tu aies acheté un sac de chips Tostitos. Ouais, j'ai vu ça passer, puis j'ai vu aussi un policier sur Twitter dire « Regarde, si tu es rendu à souffler dans un sac de Tostitos pour savoir si tu es sous, fais juste pas conduire. » À partir du moment où tu te poses la question en soufflant dans un sac de chips, il y a déjà quelque chose de pas normal. Mais ouais. En fait, j'ai trouvé quand même l'idée drôle parce que c'est un bel élément de prévention. Il est clair que c'est pas prévu pour être un vrai outil pour détecter si tu as un niveau d'alcool ou un autre. Tout ce que ça fait, en fait, c'est que c'est une puce qui est dans le fond du sac. Quand tu souffles dedans, si ça détecte la moindre présence d'alcool, il va s'allumer à l'extérieur un volant rouge qui te dit « don't drink and drive ». Et on te donne un rabais de 10$ avec une course Uber, évidemment c'est aux États-Unis pour la plupart, et ça a été fait en collaboration avec l'organisme là, Mothers Against Drunk Driving, okay. MAD. Donc c'est davantage un outil de sensibilisation, sauf que je trouvais quand même l'idée intéressante, parce que je trouve ça drôle au moment où on arrive avec le Super Bowl. Super Bowl d'ailleurs que je vous invite à écouter, parce qu'il y aura plusieurs publicités automobiles qui vont être le fun, on pourra s'en reparler, mais il y a vraiment des... Il y en a pas mal là-dessus. Alors, je trouvais ça très drôle. Ouais, malheureusement, au Canada, il y a un blackout sur la plupart des publicités. Fait qu'on va pouvoir les voir sur YouTube le lendemain. Ils sont sur YouTube. Puis même, plusieurs sont déjà disponibles au moment où on se parle. Ouais, parce qu'ils savent, le marché du Canada, on voit des annonces de votre pharmacie du coin ou des choses comme ça. C'est ça. Ben, ils n'ont pas le choix, là. Mais en tout cas, ça devrait changer. Par contre, il y a des démarches dans ce sens-là qui sont en cours. Ça fait des années. Dans la série de ce qui n'est pas une nouvelle, mais qui est quand même intéressant. Pour les gens qui lisent en anglais et qui n'ont pas de difficultés, vous connaissez probablement la compagnie Recaro. Recaro qui fait des sièges là, absolument spectaculaires. Ouais, mais ils font en fait toutes sortes de choses au niveau des chaises et de la façon de s'asseoir. Et c'est une entreprise familiale qui existe depuis des années. Et on vient de sortir un livre qui est absolument magnifique sur l'histoire de Recaro qui s'appelle Seating in Motion. Écoute, c'est objectivement un très beau livre à lire, un livre où on en apprend beaucoup sur l'histoire de la compagnie, comment ça s'est fait et comment c'est devenu aujourd'hui inextricablement lié aux résultats en course d'avoir des bons sièges. Mais Recaro font des sièges, écoute, Recaro fait des poussettes, par exemple. Moi, un jour, je suis allé à Madrid, je suis allé visiter le stade où joue le Real Madrid, là, la fameuse équipe de soccer. Ben, les sièges des joueurs sont faits par Recaro. Ouais, Recaro fait des sièges de bureau en forme de sièges de course. La plupart des voitures, c'est pas parce que c'est pas marqué Recaro sur les sièges en tant que tel que c'est pas des Recaro. Comme la Cadillac ATS-V que j'avais essayé, on avait des sièges de course, tu l'as essayé toi aussi, mais c'est pas marqué Recaro dessus, c'est un logo de Cadillac qui est dessus, mais quand tu regardes la brochure de Cadillac, c'est des sièges Recaro. Donc Recaro sont partout, dans tous les constructeurs. Là. C'est énorme comme compagnie. Puis, écoute, ils font même des sièges pour des avions. Alors, vous avez là un livre qui fait à peu près 400 pages, qui est en vente sur Amazon. Et honnêtement, j'ai adoré ce livre-là. Je l'ai parcouru. Il y a de belles photos. C'est une belle histoire. Alors, ça vaut vraiment la peine d'être regardé, et dans la série de petites choses à s'offrir là, quand on veut lire quelque chose d'intéressant. C'est en anglais, cependant, il n'y a pas de version française de disponible pour le moment. Ouais, peut-être plus tard un jour, là, mais ouais, ça dépend toujours. Le marché est peut-être un peu mince pour prendre le temps de traduire ça. Si c'est pas, mais c'est quand même intéressant, là. Moi, je trouve ça très drôle, là. Ouais. Très, très, très bien fait, très, très, toujours bon d'avoir un peu de culture dans la vie. T'sais, mais le livre n'est pas donné, par exemple, 102$. Non, effectivement. Mais il est quand même imposant. Il est beau. Il a une belle finition. Alors oui, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Oh, oui. Écoute, on est en janvier, février même. Ben oui, février, oui. Oui, c'est ça. C'est le temps du bilan des ventes. Alors, intéressant de savoir quelles sont les voitures qui se sont le mieux vendues au cours de la dernière année au Québec, entre autres. Donc, il y a un top 10 qui a été fait et c'est, ma foi, plutôt intéressant et pas trop surprenant, je te dirais, parce que, écoute, en 10e position, ben, c'est la Dodge Grand Caravan. Ouais, qui est un grand classique au Québec, là. Ouais, mais diminution de 1,1%, mais quand même 9830 unités vendues au cours de la dernière année. C'est beaucoup, beaucoup. La bonne nouvelle pour Nissan, c'est que le Rogue est en hausse de 13%. Il est en 9e position avec un peu plus de 10 600 voitures vendues. Ouais. Donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle parce qu'on le sait, Nissan voulait se placer dans le top 10, tous véhicules confondus, et ils l'ont réussi avec le Rogue. Ouais. Ils espèrent être en mesure de renouveler la même chose avec le Qashqai. Ouais. Rogue est un excellent VUS. Là, je l'aime bien. C'est bien. Ouais, moi aussi. Là, c'est bien fait, puis ça se débrouille bien. En 8e position, c'est le GMC Sierra. Ouais. Encore une fois, pas beaucoup de surprises parce que c'est les Et camionnettes. pick-up, ouais. Ouais, les pick-up. En septième position, c'est le Honda CR-V qui a connu une hausse fulgurante de 24,9% au cours de la dernière année. OK. Évidemment, on l'a renouvelé un peu, mais c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Sixième position, ça nous donne encore une bonne idée, le Toyota RAV4, ouais. qui lui aussi a connu une hausse 14,5% quand même. Ouais. C'est pas rien. En cinquième position, le Ram, ouais, un autre pick-up, pick-up. Ouais. 17,4% d'augmentation. Ce qui est encore une fois intéressant. Je sais pas si la vente de fous qu'ils ont faite, qu'on parlait justement avec Daniel de chez Chrysler, ah oui, a joué là-dedans, là, parce que c'était tu pouvais même pas te louer une micro. Là. Ouais. 129 piastres par mois pour un Ram, c'était complètement débile. En tout cas, bref, on a réussi à faire le travail. Ouais. En quatrième position, Toyota Corolla est en baisse, par exemple, de 7% ou à peu près, mais elle est quand même en quatrième position. Troisième position, ça, je suis plutôt content, c'est la Hyundai Elantra. Oui. 18 463 unités, une augmentation de 8,8%. C'est beaucoup pour une voiture qui le mérite, faut-il le préciser. Oui, amplement. En deuxième position, aux surprises, roulement de tambour, la Honda Civic. Oui, qui c'est ça. Oui, c'est ça ne surprend personne. C'est la voiture la plus vendue au Canada, donc c'est normal qu'elle se retrouve haut sur le palmarès. Mais une baisse de 7,9% quand même. Oui, mais la compétition est de plus en plus forte, puis il y en a de plus en plus. Fait que, effectivement. Et en première position, en première position, je te demande ton Ford avis. Ford Escape? Non. Non? Voiture ou camion? Voiture ou camion? Ben, l'Escape est très, très vendu. Camion F-150. Oui. Ouais. C'est le Ford F-Series, en fait. 25 855 unités. Je te rappelle, là, qu'en deuxième position, c'est la Civic à 19 000. Le F-Series, 25 000. Ouais, c'est fou, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça n'a pas de bon sens. Une augmentation de 40,3%. Ouais. Il s'en vend du pick-up. Faut peut-être mentionner aussi que Ford se retrouve toujours en première place parce que Ford met toute la série F dans le même bateau. C'est ça. Tandis que GM, ben, le Sierra et sont séparés. Le fond aussi? Non. Non? Oui, le Sierra, oui. Le Sierra et le Silverado, mais ils mettent par contre les heavy duty, là, les 2500, 3500, quand même dans les ventes. Là. Mais tu sépares quand même tes deux produits. Si tu les regroupais, tu serais peut-être au-dessus du F-150. Le F-150 qui se vend super bien, qui est un excellent camion, j'essaie pas de le dénigrer, mais c'est de la manière peut-être un peu que c'est présenté qui joue peut-être un peu avec les chiffres. Là. Mais le F-150, il y en a tellement sur la route. C'est comme, c'est pas surprenant. Ben, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Oh, ouais. C'est vraiment complètement fou. Ouais. Mais oui, effectivement, t'as raison là-dessus. Là, parce que tu vois, si on va voir au niveau des pick-up seulement, par exemple, ce qui s'est vendu à la fin de 2016, tu regardes qu'au Canada, le plus vendu, ben, c'est le F-150 à 145 000 unités, ce qui est complètement fou, préciser. Mais même si on mettait le Sierra et le Silverado ensemble, il passerait à peine devant le Ram. OK. Parce que le deuxième, c'est le Ram à 89 048. OK. Le troisième, c'est le Sierra à 51 000. OK. Et le Silverado à 44 000. OK. Les deux ensemble font 85 000. Ils passent même pas devant le Ram, en fait. OK. S'ils mettaient les deux ensemble. Fait que le F-150 domine vraiment le marché. Puis il y a une espèce de capital de sympathie pour le Ram aussi. Totalement. Il y a quelque chose. Le F-150, il est peut-être supérieur à technologie tout ça. Mais c'est ça, le Ram, c'est tu le regardes, puis c'est un troc. Là. Tu le sais que c'est un troc, là. Puis c'est vraiment autre chose, ça a de la gueule, ça a l'air méchant, tandis que F-150, un Silverado, ça a l'air d'un camion de luxe avec beaucoup de chrome, des choses comme ça, là. Mais tu prends un Ram noirci à grandeur, là, ça a l'air agressif pas à peu près. Là. Ah non, c'est vraiment fou. T'as l'impression que ça. Alors juste en terminant, si vous vous demandez si les camions sont populaires, ils comptent pour 68,8% des ventes totales au Canada. Les camions légers, vu utilitaire sport, là, c'est ce que c'est pour 2016 plutôt. Oui, c'est ça. Non, c'est clair. Les camions, les VUS ont encore la cote. L'essence n'est pas tellement chère encore non plus, fait que ça explique un peu pourquoi les gens retournent vers ça. Puis, tu sais, c'est pratique. Tu veux toujours avoir un ami dans ton entourage qui a un pick-up, tu sais, pour déménager, des choses comme ça. Puis des fois, tu sais, tu le sais, Marc, des fois, tu as une voiture de presse, un pick-up, ben t'as des amis qui te disent « Hey, ça te tente, t'as un pick-up cette semaine, ça te tente-tu de ouais, déménager ma balançoire? » Fait que c'est ça. C'est ça, effectivement. Super. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, te jaser, comment font-ils cela? Sur Facebook, Marc Bouchard, bien entendu. Mm-hmm. Sinon, mon blog, marcbouchard.ca, qui n'a pas été actif depuis quelques jours, mais qui va repartir parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à mettre dedans. Ouais. Twitter, Marc souligné Bouchard. Et mon compte Instagram, Bouchard souligné Marc, sur lequel je poste pas mal de photos aussi. Alors, c'est le meilleur moyen. Plus notre adresse courriel que tu vas te faire un devoir de mettre de l'avant, bien entendu. Oui, info@saroulradio.com. Si vous avez des questions, commentaires, juste nous jaser. On répond, on ne mord pas. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous. On a aussi Saroul Radio, le site web, donc saroulradio.com, la page Facebook Saroul Radio, le compte Twitter Saroul Radio aussi. Moi, vous pouvez me trouver sur Twitter @scalazormo. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Google Play, sur sportradio.ca, sur Radio Highway et aussi sur Radio H2O. On est disponible aussi. Vous pouvez nous écouter directement sur le site si vous voulez. Donc, on est à peu près partout, puis on essaye d'être de plus en plus partout. Si tout va bien, je vais recommencer tranquillement à faire certaines vidéos sur un canal YouTube que je vais recréer pour Saroul Radio. Donc, vous allez voir des choses là. Marc, on va être à Toronto, fait qu'on va couvrir le Salon de Toronto aussi un peu dans quelques semaines. Et puis, donc, beaucoup de contenu qui s'en vient pour Saroul Radio dans les prochaines semaines. Je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés cette semaine. On adore faire ce show-là. J'espère que vous appréciez aussi l'écouter autant que nous, on aime le faire. Marc, merci. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!